100 degrés à l'ombre, à faire fondre un nègre. La chaleur est blanche et le nègre intègre agite sa pègre. Pas de sombrero sur l'afro du négro. Le clic de la porte donne le putain de tempo au héros. J'ai shooté un, deux et le troisième juré. Tout a été négocié, tu seras bien jugé. Mais les flics t'ont cerné dans une putain de procédure. Tu seras la chute, tu la feras seul entre quatre murs. Tu sais, un bon gangster chatte autant qu'il bute. Magnol Mike, quel calibre l'activiste des buts. Nègre et gunshotter, demande à donc serait. J'ai tant défouraillé, regarde maintenant j'ai payé. 100 degrés à l'ombre, accordez-les-moi les uns les secondes. 100 degrés ou de force, c'est à l'ombre que tout se corse. C'est à l'ombre que tout se corse. 100 degrés à l'ombre, accordez-les-moi les uns les secondes. 100 degrés ou de force, c'est à l'ombre que tout se corse. C'est à l'ombre que tout se corse. Forcé à l'ombre que tout se corse, que les vrais négros osent bomber leur torse. Prisonniers, voyagez avec votre esprit, pour qu'ils restent pas éternellement dans vos outils. 100 degrés à l'ombre, crève de chaud à l'heure de l'air. 100 degrés d'alcool, pas évident qu'ils aient l'enfer. Tic et chic pour cet enfer, les frères R chez Lucifer. Seul le matricule diffère, je laisse les tiroirs en galère. Check mon sommaire d'avoir construit l'invincible ennemi. Soldat de l'apocalypse, le world, une grotte d'ennemi. Pourquoi nous as-tu quitté? 6 ans tu vas manger. À la création du ménage, à quoi tu as compris? D'ailleurs ils te passent tous le bonjour. Eh négro, tiens bon. Sache que le numéro 3 sera avec toi même en prison. Ai-je raison? Maison ne voit plus l'horizon, vision fausse. Mais le prisonnier est bel et bien dans une fosse. Agis par le mal, quand tu vis à l'intérieur du mal. Parole de mal, à la lionesse d'animal. Ils t'ont touché, mais je sais que tu vas te relever. Car ton esprit est un gilet pare-balles blindé. E-S-A-L-B-A-L-M-A-S. A tous ceux qui sont béton, à tous les grandes mathèses. On progresse et Arcan sera le ton de la messe. Y'a pas stress, grâce à vous je rappe avec allégresse. Rebelle, mais négué par la censure des cons. Un mauvais garçon n'oublie pas son passage en prison. Je me pose noir et semble comble de l'ennemi pour le tiwa. 37 de pour lui. 100 degrés pour moi, nigga. 100 degrés à l'ombre, accordez-les-moi les uns les secondes. 100 degrés ou de force, c'est à l'ombre que tout se corse. C'est dans l'ombre que tout se corse. 100 degrés à l'ombre, accordez-les-moi les uns les secondes. 100 degrés ou de force, c'est à l'ombre que tout se corse. C'est dans choses. Pour faire des progrès, faut bien partir de quelque chose. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Si tu t'y livres, tu bannis le troisième livre. Je sais que le monde donne envie de se flinguer, mais c'est à nous de l'accepter et de le changer. Est-ce une vie ou une sorte de mort? Être derrière les barreaux, ne voir aucun autre décor. On ne brise pas une statue taillée par la main de Dieu. On ne brise pas le système avec l'aide d'une arme à feu. Sache que personne ne marque, pas même ce putain de cul-de-sac. Personne ne mac le mac, pas même ce putain de cul-de-sac. La radio restitue intacte l'impact. Épaté le maton se vénère, ne tolérant pas le bombasse. Toujours noir et sombre, le comble de l'ennemi pour le tiwa. 37 de pour lui, 100 degrés pour moi, nigga. 100 degrés à l'ombre, accordez-les-moi les uns les secondes. 100 degrés ou de force, c'est à l'ombre que tout se corse. C'est dans l'ombre que tout se corse. 100 degrés à l'ombre, accordez-les-moi les uns les secondes. Que tout se corse. Si je viens un putain